Après avoir fini ses affaires au palais, il alla chez Monsieur Chapuzot, le chef d'un des plus importants services à la préfecture de police, pour y prendre des renseignements sur cet inconnu. En voyant Monsieur Chapuzot seul dans son cabinet, Victorin Hulot le remercia de son assistance. « Vous m'avez envoyé, dit-il, une vieille qui pourrait servir à personnifier Paris, vu du côté criminel. » Monsieur Chapuzot déposa ses lunettes sur ses papiers et regarda l'avocat d'un air étonné. « Je ne me serais pas permis de vous adresser qui que ce soit sans vous en avoir prévenu, sans donner un mot d'introduction, répondit-il. « Ce sera donc monsieur le préfet. »« Je ne le pense pas, dit Chapuzot. La dernière fois que le prince de Wissembourg a dîné chez le ministre de l'Intérieur, il a vu monsieur le préfet, et il lui a parlé de la situation où vous étiez, une situation déplorable, en lui demandant si l'on pouvait aimablement venir à votre secours. Monsieur le préfet, vivement intéressé par la peine que son excellence a montrée au sujet de cette affaire de famille, a eu la complaisance de me consulter à ce sujet. Depuis que monsieur le préfet a pris les rênes de cette administration, si calomnié et si utile, il s'est de prime abord interdit de pénétrer dans la famille. Il a eu raison, et en principe, et comme morale, mais il a eu tort en fait.